Entendez-vous bien? La campagne, le lait d'ânesse et l'exercice du cheval. Voici mon ordonnance. Adieu, Clara. Sais-tu pourquoi la vicomtesse ne parle plus que de médecine? Sais-tu pourquoi il y a un an, la vicomtesse ne parlait que de guerre? Oh, méchant! Oui, le colonel Armand est parti il y a un an pour la guerre d'Alger. Monsieur le docteur Olivier Delaunay a été présenté en son absence à la vicomtesse. La guerre et la médecine se donnent la main. Et tu sais que notre chère vicomtesse est le reflet exact de la personne qui a le bonheur de lui plaire. Dans 3 mois, vient un jeune et bel avocat et elle donnera des consultations comme elle trace des plans de bataille et comme elle vient de te prescrire un régime. Mais où donc avez-vous appris tout cela? Belle provinciale arrivée depuis 15 jours. Est-ce que je ne la connaissais pas avant de quitter Paris? Et puis Madame Decamps est venue hier pendant que tu n'y étais pas. Elle m'a fait la biographie de la vicomtesse. Je suis bien aise de ne pas m'être retrouvée chez moi. Toute femme me fait mal avec ses éternelles calomnies. Qu'y a-t-il? Une lettre. Pour moi ou pour ma sœur? Pour Madame la Baronne. Ah, merci. Oh, c'est sans doute de mon mari. Merci. Ce n'est pas son écriture. D'ailleurs, la lettre est en vrai de Paris et le colonel est à Strasbourg. Oh. Mon Dieu. Qu'as-tu donc? J'espère ne revoir jamais ni ce cachet, ni cette écriture. Adèle, calme-toi, tu es toute tremblante. Et de qui donc est cette lettre? De lui. C'est de lui. De lui? Oui. Voilà bien sa devise. Que j'avais prise aussi pour la mienne. Adesso et après. Maintenant et toujours. Anthony. Oui. Anthony. Anthony de retour, qui m'écrit, qui ose m'écrire. C'est à titre d'ancienne. Non, Adèle. Je ne crois pas dans l'amitié qui fit l'amour. Oh, mais rappelle-toi, Adèle, la manière dont il partit tout à coup, aussitôt après que le colonel Dervet te demandait en mariage. Lorsqu'il pouvait s'offrir à notre père qui lui rendait justice. Jeune, paraissant riche, aimé de toi, car tu l'aimais. Il pouvait espérer obtenir la préférence. Mais point du tout, il part, te demandant de l'attendre 15 jours seulement. Le délai expire, on n'entend plus parler de lui. 3 ans se passent sans qu'on sache en quel lieu de la terre l'a conduit son caractère inquiet et aventureux. Si ce n'est point une preuve d'indifférence, c'en est une au moins de légèreté. Non. Anthony n'était ni léger, ni indifférent. Il m'aimait. Autant qu'un cœur profond et fier peut aimer. S'il est parti, c'est qu'il y avait sans doute pour qu'il restât des obstacles qu'une volonté humaine ne pouvait surmonter. Oh. Si tu l'avais suivi comme moi, au milieu du monde, oh, il semblait étranger parce qu'il lui était supérieur. Si tu l'avais vu, triste, sombre, au milieu de ces jeunes fous, élégants et nuls. Si au milieu de ces regards qui le soir nous entourent, joyeux et pétillants, tu avais vu ses yeux constamment arrêtés sur toi. Alors tu te serais dit que l'amour qu'ils exprimaient ne se laisserait pas abattre par quelques difficultés. Et s'il était parti, tu te serais dit la première, c'est qu'il était impossible qu'il reste. Mais peut-être que cet amour, après 3 ans d'absence... Mais regarde comme ça m'a tremblé en écrivant cette adresse. Moi, je suis sûre que nous n'allons retrouver qu'un ami bien dévoué, bien sincère. Alors, ouvre-moi cette lettre. Tiens-moi, je m'en fous. Madame. Oh, tu vois. Madame. Il n'a jamais eu le droit de me donner un autre nom. Madame. Sera-t-il permis à un ancien ami dont vous avez peut-être oublié jusqu'au nom de déposer à vos pieds ses hommages respectueux? De retour à Paris et devant repartir bientôt, souffrez qu'usant des droits d'une ancienne connaissance, il se présente chez vous ce soir. Daignez, madame, etc. Anthony. Il est 11 h. Il va venir. Je ne vois là qu'une lettre très froide, très mesurée. Il annonce son départ. Il ne faut pas que je le revoie. Si je le revois, il restera. Écoute, ce n'est point à toi, Clara, ma sœur, mon amie. À toi qui sais que je l'ai aimée. Que j'essaierai de cacher aucun sentiment de mon cœur. Dervais est si bon, si digne d'être aimé, que je n'ai conservé aucun regret de notre temps. Oh, il ne faut pas que je revoie Anthony. Si je le revois, s'il me parle, s'il me regarde. Oh, il y a dans ses yeux une fascination. Dans sa voix, un charme. Non! Non. Tu le recevras, toi, Clara. Tu lui diras que j'ai conservé pour lui tous les sentiments d'une amie. Que si le colonel Dervais était ici, il se ferait comme moi. Un vrai plaisir de le recevoir, mais qu'en l'absence de mon mari, je le supplie de ne pas me revoir, qu'il parte. Et tout ce qu'une amie peut faire de vœux accompagnera son départ, qu'il parte. Ou bien s'il reste, c'est moi qui partirai. Tu lui présenteras ma fille. Tu lui diras que je l'aime passionnément. Que cet enfant est ma vie, mon bonheur et ma joie. Il te demandera si parfois j'ai parlé de lui. Je lui dirai la vérité. Non, jamais. Au contraire. Dis-lui oui. Quelquefois. Si tu lui disais non, il croira que je l'aime encore. Que je crains jusque son souffle. La voiture de madame est prête. Oui, c'est bien, elle est. Adieu. Sois bonne avec Anthony. Adoucie par des paroles d'amitié. Ce qu'il y a d'amer dans ce que j'exige de lui. S'il a pleuré, ne me le dis pas à mon retour. Adieu. Henri, défendez la porte pour tout le monde, excepté pour un étranger, monsieur Anthony. Quel est ce bruit? Arrêtez! Ma soeur! Ah, grâce! Grâce, mon Dieu! Madame, ne craignez rien, les chevaux sont arrêtés. Un homme s'est jeté au-devant d'eux, il n'y a plus de danger. Merci, mon Dieu. Sois tranquille, je ne suis pas blessée. Je vais chercher le médecin, M. Olivier Delaunay, c'est le plus proche. Il vient passer chez la vicomtesse de la Cille, il sera peut-être encore. Et déposer le blessé dans le vestibule. Allez. Oser se jeter au devant des deux chevaux emportés. Et comment? Tu comprends? venait d'ici. Il aurait eu le front brisé. Mais es-tu bien sûr que ce soit lui? Sûr. N'ai-je pas eu le temps de le reconnaître? Tandis qu'il l'entraînait. N'ai-je pas eu le temps de le voir? Tandis qu'il le foulait aux pieds. Oh, écoute. Va près de lui. Non, envoie quelqu'un. Et si tu doutes, alors dis qu'on m'apporte les papiers qu'il a sur lui, pour que je sache qui il est. Il est évanoui. Il est évanoui. Peut-être mort. Va, va, Clara, va. Fais-moi donner de ces nouvelles, va. De ces nouvelles. C'est moi qui devrais en aller chercher. C'est moi qui devrais être là pour lire dans les yeux du médecin sa mort ou sa vie. Son cœur devrait recommencer à battre sous ma main. Mes yeux devraient être les premiers qu'il rencontrera. N'est-ce pas pour moi? N'est-ce pas en me sauvant la vie? Mon Dieu. Ne viendra-t-on pas me dire s'il est mort ou s'il est vivant? Eh bien! Pour madame. Donnez. Est-il revenu à lui? Pas encore, mais monsieur Delaunay vient d'arriver. Il est près de lui. Dites-lui de monter. Mon portrait. Si un autre que moi avait ouvert ce portefeuille. Mon pauvre Anthony. Je ne suis plus si jolie que ça. Dans ta pensée, j'étais belle. Parce que j'étais heureuse. Tu me retrouveras bien changée. Oh, j'ai tant souffert. Celle que je lui ai écrite. Je lui disais que je l'aimais. Le malheureux. L'imprudent. Si je la reprenais. C'est le seul témoignage. Il n'a qu'elle. Sans doute il l'a relu mille fois. C'est son bien, sa consolation. Et je la lui ravirai. Et quand les yeux à peine rouverts, mourant pour moi, il portera la main à sa poitrine. Ce ne sera pas sa blessure qu'il cherchera, ce sera cette lettre. Il ne la retrouvera plus. C'est moi qui la lui aurai soustraite. Ce serait affreux. Non, qu'il la garde. D'ailleurs, n'ai-je pas gardé les siennes, moi? Son poignard. Que je m'effrayais de lui voir porter toujours. J'ignorais que ce fut son pommeau qui lui servit de cachet et de devise. Je le reconnais bien, ses idées d'amour et de mort constamment mêlées. Anthony. Eh bien, monsieur Olivier, eh bien. Rassurez-vous, madame, l'accident, quoique grave, n'est point dangereux. Oh, dites-vous vrai. Je réponds du blessé. Vous en rapportez-vous ma parole? Est-il revenu à lui? Pas encore, mais votre pâleur. Mais pourquoi l'avez-vous quitté? Un de mes amis est près de lui. On m'a dit que vous désiriez avoir des nouvelles sûres. J'ai pensé que vous aviez peut-être besoin. Moi, il s'agit bien de moi. Enfin, qu'a-t-il? Que Dieu avez-vous fait? Mais bien, mon scientifique, vous êtes prêt? Non, non, non, il faut que je sache. Vous comprenez, il m'a sauvé la vie, alors. C'est tout simple. Oui, sans doute, madame. Eh bien, le timon, en l'atteignant, a causé une forte contusion au côté droit de la poitrine. La violence du coup a amené l'évanouissement. J'ai opéré à l'instant une saignée abondante et maintenant, du repos et de la tranquillité feront le reste. Mais il ne pouvait rester dans le vestibule, entouré de domestiques, de curieux. J'ai donné en votre nom l'ordre qu'on le transportât ici. Comment ici? Était-il donc trop faible pour être conduit chez lui? Il n'y aurait eu à cela aucun inconvénient, à moins que l'appareil ne se dérangeât. Mais j'ai pensé qu'une reconnaissance que vous paraissez si bien sentir avait besoin de lui être exprimée. Oui, certes. Et s'il allait parler? Si mon nom prononcé par lui? Oui! Oui! Vous avez bien fait! Mais il faut qu'il soit seul, n'est-ce pas? Dès qu'il ouvrira les yeux, tout à fait seul, vous-même passerez dans une autre chambre parce que la vue d'un étranger... Cependant... Non, vous avez dit que la moindre émotion lui serait funeste. Vous l'avez dit, du moins je le crois, n'est-ce pas? Oui, madame, je l'ai dit, c'est nécessaire, mais cette précaution n'est pas pour moi, pour moi médecin. Oh, le voilà! Je vous en prie, dites s'il a besoin d'être seul, que c'est vous qui ordonnez que personne ne reste près de lui. Déposez-le sur ce sofa. Clara? Monsieur Olivier dit qu'il faut que le malade reste seul. Que nous devons sortir, tous. Vous voyez, docteur, je donne l'exemple. Clara, reste avec monsieur Olivier. Moi, je vais donner des ordres. Le coup recommence à battre. Me voici. Il est seul. Enfin. Anthony. Voilà donc comme je devais le revoir. Pâle. Mourant. La dernière fois que je le vis, il était aussi près de moi, plein d'existence, calculant pour tous deux un même avenir. 15 jours d'absence, disait-il, et une réunion éternelle. Et en partant, il pressait ma main sur son cœur. Vois comme il bat, disait-il. Eh bien, c'est de joie, c'est d'espérance. Il part. Et 3 ans, minute par minute. Jour par jour, c'est cool, lentement, séparé. Il est là, près de moi, comme il y était alors. C'est bien lui. C'est bien moi. Rien n'est changé en apparence. Seulement son cœur bat à peine. Et notre amour est un crime. Anthony. La moindre tentative. Revenant à moi, en vous retrouvant auprès de moi, j'ai cru vous avoir quitté hier et vous revoir aujourd'hui. Qu'ai-je donc fait des 3 ans qui se sont passés? 3 ans. Et pas un souvenir. Non, ne parlez pas. Je me rappelle maintenant. Je vous ai revu, pâle, effrayé. J'ai entendu vos cris, une voiture, des chevaux. Je me suis jeté au devant. Puis tout a disparu dans un nuage de sang. Et j'espérais être tué. Vous n'êtes que peu dangereusement blessé, monsieur. Et bientôt, monsieur. J'espère... Mais moi aussi, je dirais madame. Je désapprendrai le nom d'Adèle. Celui de Dervais. Madame Dervais. Et Et que le malheur d'une vie tout entière soit dans ces deux mots. Vous avez besoin de soins, Anthony. Je vais appeler. Anthony, c'est mon nom à moi. Toujours le même. Mille souvenirs de bonheur dans ce nom. Mais Madame Dervet... Anthony! Oui. Redis mon nom ainsi encore. Et j'oublierai tout. Ne t'éloigne pas, mon Dieu. Reviens que je te revoie. Je ne vous tutoierai plus. Je vous appellerai, madame. Mais venez. Venez, je vous en supplie. Oui. C'est bien vous. Toujours belle. Calme. Comme si pour vous seule, la vie n'avait pas de souvenirs amers. Vous êtes donc heureuse, madame. Oui. Heureuse. Moi aussi, Adèle, je suis heureux. Vous? Pourquoi pas? Qui donc, en me regardant, en me voyant vous sourire comme je vous souris en ce moment, oserait dire Anthony n'est pas heureux? Non, calmez-vous! Agitez comme vous l'êtes, comment vous transportez chez vous? Me transporter chez moi? Vous allez donc... Non, vous ne pouvez rester ici, dès lors que votre état n'offre plus aucune inquiétude. Tous les gens qui vous ont connu savent que vous m'avez aimé, et pour moi-même. Dites pour le monde, madame. Il faudrait donc que je fusse mourant pour que je restasse ici. C'est dans les convulsions de l'agonie seulement que ma main pourrait serrer la vôtre. Adèle... Non, non, si aucun danger n'existait, si le médecin n'avait pas répondu de vous. Oui. Oui, je sacrifierais ma réputation qui n'est plus à moi pour vous garder. J'aurais une excuse aux yeux du monde. Une excuse? Mais faut-il que cela... Ah non! Anthony! Au secours! Quelqu'un! Oh non! Ce sang ne s'arrêtera-t-il pas, Anthony? Il fallait... Maintenant, je resterai. N'est-ce pas? Adèle. Eh bien, je quitte Anthony. Anthony? Toujours Anthony, mais que me veut-il? Il va s'en aller aujourd'hui. Oh, il est donc tout à fait rétabli. Oui, mais il est si triste. Mon Dieu. Tu étais bien cruelle avec lui. Depuis 5 jours qu'il t'a sauvée, à peine si tu l'as revu, et toujours devant Monsieur Olivier. Le revoir, oh mon Dieu. Où est donc la nécessité de le revoir? Vous me perdrez tous deux. Et alors toi aussi, tu diras comme les autres. Pourquoi l'as-tu revu? Toi, Clara, toi qui es heureuse auprès d'un mari que tu aimes et que tu as épousé d'amour, toi qui craignais de le quitter 15 jours pour les venir passer près de moi, je conçois que mes craintes te paraissent exagérées, mais moi qui suis toujours seule avec ma fille, isolée avec mes souvenirs, parmi lesquels il en est un qui me poursuit, comme un spectre. Oh, tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir aimé et de n'être pas à l'être qu'on aimait. Je le redoutais absent. Mais maintenant qu'il sera là, que ce ne sera plus une vision... Que ce sera sa voix que j'entendrai, que ce sera lui que je verrai. Oh, Clara! Oh non, sauve-moi. Dans tes bras, il n'osera pas me prendre. Écoute. Et toutes tes craintes cesseront. Il quitte Paris, seulement je te le répète, il veut te voir auparavant. Te confier un secret duquel dépend son repos, son honneur. Il s'éloignera pour toujours, il l'a juré sur sa parole. Non. Non, ce n'est pas lui qui doit partir, c'est moi. Ma place à moi est auprès de mon mari. C'est lui qui est mon défenseur, il me protégera même contre moi. Adèle, réfléchis. Que dira ton mari? Comprendra-t-il ses craintes exagérées? Que risques-tu de rester quelque temps encore? Mais si au moment de partir, le courage me manque. Non, je t'en prie, peux pas tout pour ce départ. Alors laisse-moi t'accompagner. Non. Je ne veux pas que tu partes seule. Non. Non. Je te confie, ma fille. La route est longue et fatigante et... Je ne veux pas exposer cet enfant. Reste près d'elle. Il est 9h30. Qu'à 11h, la voiture soit prête dans le plus grand secret. Maintenant, je le recevrai, je ne le crains plus. Je ferai ce que tu voudras. Bien. Laisse-moi seule. Rentre à 11h. Je saurai en te voyant que tout est prêt. Surtout, pas un mot, pas un signe qui lui fasse soupçonner. Oh, tu ne le connais pas. Tout sera prêt. À 11h. À 11h. Je ne te demande plus que le courage d'écrire quelques lignes. Monsieur, l'opiniâtreté que vous mettez à me poursuivre me force à quitter Paris. Je m'éloigne. Emportant les seuls sentiments. Que le temps ni l'absence ne peuvent altérer. D'une véritable amitié. Amitié. Adèle. Soit le dernier sacrifice. Monsieur Anthony. Un instant. Faites entrer. Vous avez désiré me voir avant de vous éloigner. Malgré le besoin que j'avais de vous exprimer ma reconnaissance, j'ai hésité avant de recevoir Monsieur Anthony. Vous avez insisté. Je n'ai pas cru devoir refuser une si légère faveur à l'homme sans lequel jamais je n'aurais revu ni ma fille ni mon mari. Oui, madame. Je sais que c'est pour eux seuls que je vous ai conservé. Quant à cette reconnaissance que vous éprouvez, dites-vous, le besoin de m'exprimer, ce que j'ai fait en mérite-t-il la peine? Un autre, le premier venu l'eût fait à ma place. C'est le hasard. Le hasard seul dont vous devez vous plaindre et qu'il faut que je remercie. Le hasard. Pourquoi m'ôtez-vous le seul sentiment que je puisse avoir encore pour vous? Est-ce généreux? Je vous le demande. C'est que le hasard semble jusqu'à présent avoir seul régi ma destinée. Si vous saviez combien les événements les plus importants de ma vie ont eu des causes futiles. Un jeune homme que je n'ai pas revu deux fois depuis peut-être me conduisit chez votre père. J'y allais je ne sais pourquoi, comme on va partout. Ce jeune homme, je l'avais rencontré au bois de Boulogne. Nous nous croisions sans nous parler. Un ami commun passe et nous fait faire connaissance. Eh bien, cet ami pouvait ne point passer, ou mon cheval prendre une autre allée, et je ne le rencontrais pas. Il ne me conduisait pas chez votre père. Les événements qui depuis 3 ans ont tourmenté ma vie faisaient place à d'autres. Je ne venais pas il y a 5 jours pour vous voir, je n'arrêtais pas vos chevaux. Et en ce moment, ne m'ayant jamais connu, vous ne seriez pas obligé d'avoir pour moi un seul sentiment, celui de la reconnaissance. Mais n'admettez-vous pas, Anthony, qu'il existe des prévisions de l'âme, des pressentiments. Des pressentiments. Lorsque vous entendiez autrefois prononcer le nom d'Anthony, mon nom, au milieu des noms nobles, distingués, connus, ce nom isolé d'Anthony n'éveillait-il pas pour celui qui le portait une idée d'isolement? Ne vous êtes-vous point dit quelquefois que ce ne pouvait être le nom de mon père, celui de ma famille? Vous n'avez jamais désiré savoir quelle était ma famille, quel était mon père? Jamais. Je croyais votre père mort pendant votre enfance et je vous plaignais. De toute votre famille, je n'ai connu que vous. Toute votre famille était donc en vous. Vous étiez là. Je vous appelais Anthony. Qu'avais-je besoin de vous chercher d'autres noms? Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi, seul au milieu de tous, je n'avais ni rang qui me dispensât d'un état, ni état qui me dispensa d'un rang. Jamais. Je vous croyais né pour tous les rangs, appelé à remplir tous les états. Je n'osais rien spécialiser à l'homme qui me paraissait capable de parvenir à tout. Eh bien, madame, le hasard, avant ma naissance, avant que je pusse rien pour ou contre moi, avait détruit la possibilité que cela fût. Depuis le jour où je me suis connu, tout ce qu'eût été pour un autre, positif, et réalité n'a été pour moi que rêve et déception. N'ayant point un monde à moi, j'étais obligé de m'en créer un. Il me faut à moi d'autres douleurs, d'autres plaisirs, et peut-être d'autres Mais crimes. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Vous voulez le savoir. Et si ensuite vous alliez comme les autres? Non. Non, vous êtes bonne, vous, Adèle. Une visite, ne vous en allez pas. Demain, peut-être, il serait trop tard. Madame la vicomtesse de Lassy, monsieur Olivier Delaunay. Oh, calmez-vous, faire grâce, qu'ils ne s'aperçoivent de rien. Me calmer, mais je suis calme. Ah, c'est la vicomtesse et le docteur. Eh bien, de quoi voulez-vous que je leur parle? Des bonnes nouvelles, de la pièce qui fait fureur? Eh bien, mais tout cela m'intéresse beaucoup. Chère Adèle, j'apprends par monsieur Olivier qu'à partir d'aujourd'hui, vous recevez et j'accours. Mais savez-vous que j'en frémise encore? Vous avez couru un véritable danger. Oui, oui. Sans le courage de monsieur Anthony. Ah, voici votre sauveur. Savez-vous, monsieur, que nous sommes d'anciennes connaissances? J'ai eu le plaisir de vous rencontrer chez Adèle avant son mariage. Ainsi, à ce double titre, recevez l'expression de ma reconnaissance bien sincère. Mais voyez-vous, docteur, monsieur va très bien. Un peu pâle, peut-être, mais le mouvement du pouls est bon. Vous avez réussi là une cure dont je suis presque jalouse. Oui. Monsieur Anthony nous faisait-il sa visite d'adieu? Vous continuez vos voyages? Oui, madame. Et où allez-vous? Je n'en sais trop rien moi-même. Dieu me garde d'avoir une idée arrêtée. Mais que dit votre famille de ces courses continuelles? Ma famille? Ah oui. Eh bien, elle s'y habitue. N'est-ce pas, madame, vous qui connaissez ma famille? Mon Dieu, cher Adèle, j'espère bien que ce n'est pas vous qui exigez qu'il parte. Les traitements pathologiques laissent toujours une grande faiblesse. Et ce serait l'exposer beaucoup. C'est que il me refuse des choses prodigieuses en prétendant que vous n'avez pas voulu le recevoir pendant tout le temps de sa convalescence, sous prétexte qu'il vous avait aimé autrefois. Oh, silence. Non, vous n'avez rien à craindre. Il s'en tasse en lieu de la conversation. Il parle littérature et moi je déteste la littérature. Faut que je vous gronde aussi. Je vous ai vu passer sous mes fenêtres et vous n'êtes pas entrée. Oui, c'est qu'en ma qualité de dame de charité, j'allais visiter l'hospice des enfants trouvés. Mais au fait, j'aurais dû venir vous prendre. Cela vous aurait distrait un instant. Et moi, je vous aurais demandé la permission de vous accompagner. J'aurais été bien aise d'étudier l'effet que produit sur des étrangers la vue de ces malheureux. Oh, cela fait bien peine. Mais après, on prend le plus grand soin d'eux. Ils sont traités comme les autres enfants. C'est bien généreux à ceux qui en prennent soin. Comment y a-t-il des mères? Il y en a, cependant. Je le sais, moi. Vous? Si je n'avais pas eu d'enfant, j'aurais voulu adopter un de ces orphelins. Orphelin? Que vous êtes bonne. Eh bien, vous auriez tort. Là, ils passent leur vie avec des gens de leur espèce. Ne parlez pas de ces gens, cela me fait mal. Que vous importe, madame. Parlez-en, au contraire. Vous disiez qu'ils étaient là avec des gens de leur espèce. Et que madame aurait eu tort. Mais oui, sans doute. L'adoption ne fait pas oublier la véritable naissance. Et malgré l'éducation que vous lui auriez donnée, si c'eût été un homme, quelle place pouvait-il occuper? En effet, à quoi peut parvenir? Et si c'est une femme, comment la marier? Qui peut donc épouser une orpheline? Moi, peut-être. Parce que je suis au-dessus des préjugés. Ainsi, madame, vous le voyez, l'anathème est prononcé. Il faut que le malheureux reste malheureux. Pour lui, Dieu n'a pas de regard, ni les hommes de pitié. Sans nom! Savez-vous ce que cela signifie que d'être sans nom? Vous lui auriez donné le vôtre. Eh bien, le vôtre, tout honorable qu'il est, ne lui aurait pas tenu de père. En l'enlevant à son obscurité, à sa misère, vous ne pourriez lui rendre ce que vous lui ôtiez. Si je connaissais un malheureux qui fut ainsi, je voudrais, par tous les égards, toutes les prévenances, lui faire oublier ce que sa position a de pénible. Car maintenant... Oui, maintenant, je la comprendrai. Oh, moi aussi. Vous aussi. Et si l'un de ces malheureux était assez hardi pour vous aimer? Oh, si j'avais été libre. Ce n'est pas à vous, madame. Il comprendrait, je pense. Et s'il ne comprenait pas? Enfin, quelle est la femme qui consentirait à aimer? Ainsi, dans cette situation, il ne reste que le suicide. Mais enfin, avec ces idées, vous ne croyez ni à l'amitié, ni même... Ni à l'amour? À l'amour, oui. À l'amitié, non. C'est un sentiment bâtard dont la nature n'a pas besoin. Vous croyez? L'ambition et l'amour sont des passions. L'amitié n'est qu'un sentiment. Et avec ces principes, combien de fois avez-vous aimé? Demandez à un cadavre combien de fois il a vécu. Dieu, je vois bien que je suis indiscrète. Adieu, chère Adèle. Quand vous me connaîtrez davantage, vous me ferez vos confidences. Je donne parfois quelques soirées. Mes flatteurs les disent jolies. Si vous restez à Paris, le docteur vous conduira chez moi. Au reste, présentez-vous vous-même. Je n'ai pas besoin de vous dire que si votre mère ou votre sœur sont à Paris, je les recevrai avec le même plaisir. Adieu. Docteur, voulez-vous descendre que je n'attende pas? Adieu, chère Adèle. Je le trouve beaucoup mieux qu'autrefois, beaucoup plus gai. Il doit vous amuser prodigieusement. Adieu. Secret. Je le sais. Que cette femme m'a fait souffrir. Avoir eu l'impudeur de croire qu'avec une âme qui sent, une tête qui pense, un cœur qui bat, on avait tout ce qu'il fallait pour réclamer sa place d'homme dans la société, son rang social dans le monde. Quelle vanité! Je comprends. Je comprends tout ce qui m'était demeuré obscur. Votre votre caractère sombre que je croyais fantasque. Tout. Tout. Même votre départ dont je ne me rendais pas compte. Pourra peindre ce que je souffris lorsque je fus obligé de vous quitter. J'avais perdu mon malheur dans votre amour. Les jours, les mois s'envolaient comme des instants, comme des songes. J'oubliais tout près de vous. Un homme vain me fit souvenir de tout. Il vous offrit un rang dans le monde, un nom. Il me rappela à moi que je n'avais ni rang ni nom à offrir à celle à qui j'aurais offert mon sang. Mais pourquoi alors? Pourquoi ne dites-vous pas cela? Oh mon Dieu, 10h30. Dire cela. Oui. Peut-être vous, qui à cette époque croyez m'aimer, auriez-vous oublié un instant qui j'étais, pour vous en souvenir plus tard. Mais à vos parents, il fallait un nom. Et quelle probabilité qu'il préférasse à l'honorable baron d'Hervé, le pauvre Anthony. C'est alors que je vous demandais 15 jours. Un dernier espoir me restait. Il existe un homme chargé je ne sais par qui de me jeter tous les ans de quoi vivre un an. Je courus le trouver. Je me jetai à ses pieds, des cris à la bouche, des larmes dans les yeux. Je l'adjurai par tout ce que Dieu, l'âme, tout ce qu'il avait de plus sacré, me dire ce qu'était mon nom, ce qu'étaient mes parents. Ce que je pouvais attendre ou espérer d'eux. Malédiction sur lui. Et que sa mère meure, je n'en pus rien tirer. Je le quittai. Je partis comme un fou, comme un désespéré, prêt à demander à chaque femme, n'êtes-vous pas ma mère? Oh, mon homme! Je voulus forcer les préjugés à céder devant l'éducation. Art, langue, science. J'ai tout étudié, tout appris. Insensé que j'étais. Élargir mon cœur pour que le désespoir pût y tenir. Dons naturels ou sciences acquises, tout s'effaça devant la tâche de ma naissance. Les carrières ouvertes aux hommes les plus médiocres se fermèrent devant moi. Il fallait dire un nom. Et je n'avais pas de nom. Oui, je comprends. Je comprends. Oh, plaignez-vous. Plaignez-vous. Ce n'est qu'avec moi que vous pouvez vous plaindre. Je vous vis. Je vous aimais. Le rêve de l'amour succéda à celui de l'ambition et de la science. Je me cramponnais à la vie. Je me jetais dans l'avenir, pressé que j'étais d'oublier le passé. Je fus heureux quelques jours. Et seul de ma vie. C'est alors que le colonel d'Hervé... Malédiction. Je partis. Je revins. Il y a 3 ans dans ces 2 mots. Je me disais... Il faut que je la voie. C'est impossible qu'elle m'ait oublié. Je lui avouerai mon secret. Peut-être qu'alors elle me méprisera, me haïra. Oh, Anthony, comment l'avez-vous pu penser? Moi aussi, moi à mon tour, je la haïrai, comme les autres. Ou alors, quand elle saura ce que j'ai souffert, ce que je souffre, peut-être qu'elle me permettra de rester près d'elle, de vivre. Dans la même ville qu'elle. Impossible. Un meurtre peut vous rendre veuve. Je puis le prendre sur moi, ce meurtre. Adèle, vous êtes à moi. Entendez-vous à moi? Il y a un crime entre vous et moi. Soit je le commettrai. pas d'elle. Je le jure par ce Dieu que je blasphème. Par ma mère que je ne connais pas. Calmez-vous, vous me menacez. Oh, vous menacez une femme. Grâce. Pitié, secours. Ma tête est perdue. Mes paroles sont de vains mots qui n'ont pas de sens. Je suis si malheureux que je pleure comme une femme. Riez, riez, un homme qui pleure, n'est-ce pas, j'en ris moi-même. Non, vous êtes insensé, vous me rendez folle. Regarde cette pendule, elle va sonner 11 heures. Qu'elle sonne un de mes jours à chacune de ces minutes et que je les passe près de vous. Grâce, grâce, sentez-nous. C'est moi qui n'ai plus de courage, grâce, sentez-nous. Un seul. Non. Et j'obéirai à votre geste, dit-il, me chasser pour toujours. Je serai votre esclave. Des années se sont passées dans l'attente de ce mot. Si vous ne laissez pas en ce moment tomber de votre cœur cette parole d'amour, quand vous reverrai-je? Quand? Quand serais-je aussi malheureux que je suis? Si vous n'avez amour de moi, ayez pitié de moi. Oh, Anthony, Anthony. Oublie les 3 ans qui se sont passés. Ne te souviens que de ces moments de bonheur où j'étais près de toi, où je te disais, Adèle, mon ange, ma vie, encore amour d'amour. Où tu me disais, Anthony, mon Anthony, oui, oui. Anthony, mon Anthony, oui. Oui, je t'aime. Elle est à moi. Je l'ai reprise. Je suis heureux. Clara, qu'il y a, il faut nous séparer. Je m'en vais. Merci. J'emporte là du bonheur pour une éternité. Adieu, Clara, ma bonne Clara. Adieu, madame, quand vous voulez. Le sais-je. Demain, n'est-ce pas? Oui, demain, bientôt, plus tard. Toujours. Adieu. Anthony! Que fais-tu? Du courage. Du courage. Oui, j'en ai. As-tu préparé une lettre pour lui? Il m'accusera de fausseté. Le monde ne veut-il pas que je sois fausse? Et voilà. Voilà ce que la société appelle devoir. Elle est parfaite, cette lettre. Tu la lui remettras. Viens. Viens, tout est prêt. Le domestique qui doit t'accompagner t'attend. Songe à ton mari. Oh, je ne puis songer qu'à lui. Mais songe à ta fille. Oui. Oui. Ma fille. Oh, pas. Oh, comme tu vas me mépriser. Ne me reconduis pas. Je te parlerai encore de lui. Adieu, Clara. bien soin de ma petite fille.